Yeah. C'est important? C'est peut-être pas important. Ça dépend. Je me tâte. Ouais, c'est bon. Ah, ah. Pas les mêmes délits, pourtant dans le même délire, on aime pas les mêmes choses. Dans le même délire, pourtant pas les mêmes dealers, on met pas les mêmes doses. Pas les mêmes principes, pas les mêmes pratiques, ego dans mon bendo. Pas les mêmes paresseux, on chale les rênes par ici, si nos rêves courent. Moi j'ai confiance dans mes vélos, maman m'a dit qu'il est temps. Sortir l'argent du matelas, et d'investir dans des télos. Pas les mêmes délits, pourtant dans le même délire, on n'aime pas les mêmes choses. Dans le même délire, pourtant pas les mêmes dealers, on met pas les mêmes doses. Dans catégorie des bolos, pendant qu'on bigrave la pelouse. Quand y'a un genre, on m'appelle, pas le même dosage dans ma grégousse. Oh les mains, salopards, c'est le bendo. Juste à l'omaï, Salomon, c'est la mi-temps. En direct du bain toi en état. Beta, en direct du bain toi en état. Beta, en direct du bain toi en état. Beta, en direct du bain toi en état, yeah. Pas les mêmes limites, on n'a pas la même folie, on n'a pas les mêmes causes. Là je m'impose, on n'a pas la même tenue, on n'a pas les mêmes choses. On s'allumera salement, sûrement, sous le même hall. Que du salasra, la c'est la street, des fois c'est pas la bonne chose. On fait tous les plans à l'audace. On te laisse les watts et les pétasses. Hugo vient pas me les casser. J'pète le million et j'me casse de là. T'es chaud, mon c'est ton équipe, elle parle chinois. Pas de one ching chong ici, c'est le flingue. Moi, mon équipe, elle est gang. Let's chain n'est porté les gangs. Moi, mon équipe, elle est gang. Let's chain n'est porté les gangs. Moi, mon équipe, elle est gang. Pas les mêmes délits, ouais, pas les mêmes doses. Dans ton bendo, comme dans mon bendo. En direct du bain toi en état. En direct du